Bienvenue à la grange, où les discussions s'écoulent aussi vite que les pintes de bière. Au coin du feu, entre copains, on refait le monde. En philosophie de comptoir, on est ceinture noire, voire ceinture rouge qui tâche, quoi. Bienvenue à la grange. Alors aujourd'hui, on a un guest, un invité de marque, Gauthier, alias Casque de Vélo. Salut pour les Gauthier. Merci. C'est gentil. Gauthier, est-ce que tu peux te décrire en trois mots? En trois mots... Ça ne doit pas être casque, deux et vélo. Merde. Je vais dire tout bêtement, je suis. Prends ton temps, Gauthier. Prends ton temps. C'est un podcast qui un. Doit. Je suis un. Ok. Je suis un. C'est C'était une super c'est présentation. Ouais. Également présent aujourd'hui autour de la table et à la grange, Eric dit Ricou. Bonjour Eric. Je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Rico. Apparemment c'est toi qui fais les surnoms. Bonjour à tous nos auditeurs. Merci, bonjour. Non, bonjour Gauthier, mais on s'est vu tout à l'heure. Ok, bah mes petits potos aujourd'hui, je voulais commencer l'émission par l'habituelle, la sempiternelle rubrique philosophie de comptoir. C'est celle où je suis le meilleur, hein. Putain de l'air. Ouais. Ou avec beaucoup de grâce, de poésie et d'allégresse, on aborde les sujets habituels de fin de soirée, quoi. Hein. D'accord. Oh, il y a un jingle ? Il y a un jingle ? Non, attends, j'ai une catchphrase. Souvent bourré et jamais égalé, c'est la rubrique philo de comptoir. Oh, joli. Rubrique philo de comptoir. Donc, pas de bol, on était dans un avion, et c'était un avion un peu low cost. Il y a eu un accident, on a été aspiré par un trou d'air, et... On a été pris dans ce trou d'air avec notre sac à dos et on atterrit sur une île déserte. En plus, pas de bol, c'est personne, c'est la même. Chacun sur une île déserte différente. Donc nous voilà seuls chacun sur une île déserte. Heureusement, le sac à dos qu'on avait contient les 5 objets qu'on voulait amener sur une île déserte. Je rappelle que la compagnie était très low cost et que la sécurité était très... la sécurité était très low cost, donc on a pu prendre absolument tout ce qu'on voulait, mais... Ça doit rentrer dans un sac à dos. D'accord. Autre petite précision. Ou tenir à côté, genre je peux l'accrocher au sac à dos. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Genre femme, non. Voilà, bah, parce qu'il fallait la faire, parce que tout le monde, fallait la faire. Les femmes ne sont pas des objets. On tient à vous le dire, vous qui êtes chez vous, les femmes ne sont pas. Ouais, elles ne sont pas recyclables. Et donc. Ce qui est bien avec Gauthier, c'est qu'il a un rire silencieux. Voilà. Ah, c'est pas pour gâcher. Voilà. J'aime bien laisser en fait des blancs après les blagues, comme ça on me voit pas rigoler. Et on pense que personne rigole. Mais c'est pas souvent... filmé, Gauthier. Et souvent les blancs font les meilleures blagues. Si tu rigoles pas, les gens vont se dire putain, il a fait un bide. Bah, c'est ça. C'est ça le principe. Je tiens aussi à préciser que les 3 îles respectives sur lesquelles on est. Ne capte pas, donc t'as pas le droit d'emmener un téléphone universel avec GPS. Bah, t'as le droit, mais ça captera. Voilà. Oui, c'est vrai, t'as tout à fait le droit. Qui veut commencer? Bah, je propose à l'invité de commencer. On a droit à combien d'objets? 5. 5. C'est bien, t'as écouté. J'espère que vous aussi chez vous avez écouté autant que Gauthier. On tourne ou chacun son tour ou pas? Non, tu commences avec tes 5 objets. Ah oui, alors, au moment où on ne passe pas les rubriques... Non, mais c'est pour ça que t'es invité. C'est pas la spécialité. T'es pas invité pour rien. Ok. Un objet, tout bonnement, un briquet. Un briquet. Pour me permettre de faire du feu. Moi, j'ai pris un fire steel, parce que ça résistera mieux aux intempéries. Un fire steel. Tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un fire steel? C'est ni plus ni moins qu'un silex de poche, quoi. C'est pour faire des petites étincelles et en démerdant pas trop mal, faire un feu. Réutilisable beaucoup plus souvent qu'un briquet, effectivement. Tous les temps. D'accord, donc un briquet tout le temps en fait, c'est et réutilisable à l'infini. C'est un peu. Non, parce que c'est quand même. Vous avez un peu pris le. Vous avez un peu triché, c'est genre. On a pris le feu. Je veux le briquet infini. Ok, d'accord. Très bien. Merci, Prométhée. D'accord. Moi, j'avais pas du tout mis ça. J'avais pas du tout mis ça. Qui va être le premier à mourir. ce qui pourrait se rapprocher le plus de ça. Ah, en fait. On n'a pas précisé, mais on est sur une île déserte chaude. Chaude et avec de l'eau potable et des petits animaux. D'accord. Donc on a de quoi subsister. Voilà, et on va voir. Donc faire un feu tranquillement sur une île déserte chaude, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez chaud, quoi, les gars. Oui, mais il faut bien cuire ta bouffe. D'accord. Stériliser. Non, mais ça va. Enfin, tu fais comme tu veux. D'accord. Moi, j'avais pris un recueil de poésie, mais c'est comme vous. Ok. Gauthier est encore en train de rigoler, hein. Je vais le dire à chaque fois. Si tu as vu quand je l'entends. J'ai un rire silencieux. Deuxième objet, Gauthier. Deuxième objet. Écoutez, ça va être tout bonnement. Des cigarettes pour aller avec le briquet, peut-être, Gauthier? Non, non, non, non. Ça va être plus... parce que survie... est-ce qu'il y a... Ça va être con comme question, hein, mais j'ai vu ça dans le documentaire. Non, mais vas-y, personne ne t'écoute, Gauthier. Est-ce que il y a l'effet pollution, c'est-à-dire est-ce que la mer va ramener des objets? Non. Non, t'es dans un endroit où les gens sont plutôt écolo. Pas de bol. Tu peux pas, tu peux compter vraiment que sur tes 5 objets et sur la nature qui t'entoure. Ok, ouais, ok. Mais tu peux te dire peut-être qu'il y a des noix de coco et faire des bols. Non, c'est pas ça, c'était un sac plastique qui... Bah non, mais tu peux emmener ton sac plastique, t'as raison. Un sac plastique transparent, tu le mets sur une branche d'un palmier, et puis avec la chaleur, y a l'humidité qui s'installe, et tu as de l'eau potable avec une saveur d'eucalyptus. Sachant qu'il y avait déjà de l'eau potable sur l'eau, c'est trop simple. Et que moi, mon objet que j'ai pris, du coup, c'est une bâche. Donc t'as tous les avantages des sacs plastiques. Tu peux la découper, tu peux t'en faire un petit abri. Ouais, voilà. C'est un très grand sac plastique. Voilà, c'est un très grand sac plastique. Toujours pas. Pour moi, j'ai aucun objet qui s'y rapporte, mais je t'en prie, continue. Ah, faut un objet. Bah, moi, du coup, j'ai pris une machette pour ouvrir les noix de coco. Alors, du coup, moi, j'ai un objet qui s'y rapporte, c'est un couteau type Laserman ou couteau suisse. Oui, un couteau qui tient bien, quoi. Mais la machette, ce qui est un peu. Enfin, bon courage pour ouvrir une noix de coco avec un couteau, quand même. Ouais. Bah, je la balance contre un arbre, je pense que toi tu vas galérer à... Enfin, moi je trouve que le Laserman est plus utile qu'une machette, mais... D'accord. Bon. Non, mais moi je suis pour la machette. De toute façon, tu pourras te suicider après avoir eu ton recueil de style de poésie, donc... Non, mais un bon recueil de poésie, hein, tout le monde. Mm-hmm. Voilà. Tout bonnement une canne à pêche. C'est con, mais je pense pas que je saurais pêcher sans canne à pêche. Okay. Je suis pas très doué. Moi j'ai pris une corde. Après une corde pour te pendre, donc. Ça peut servir à moult activités. Alors, tu peux t'en créer une. Avec des lianes. C'est vrai que Gauthier est quand même très poilu. Oui, j'amène plus d'objets que certains. Ah non, une corde, je pense que c'est indispensable. D'accord. Parce que tu peux enfin, tu peux en faire du petit fil, enfin, tu peux faire ta canne à pêche avec la corde, tu peux faire ta cabane. Et moi, je sais que même s'il fait chaud sur ton île, la nuit, il fait froid, quoi. Ouais, non, mais moi, j'ai ma bâche. Pour moi, c'est hyper débile, hein, parce que j'ai vu des reportages sur les mecs perdus au fin fond de l'Amazonie. Et ils fabriquent leur radeau, ils fabriquent tout avec, en trouvant des lianes. Ouais, mais moi, ça sera facilité. Après, ta corde, elle fait combien de mètres? Elle fait 173 mètres. D'accord, c'est quoi comme cordage? C'est quel calibre? C'est du cordage 12, les cordes un peu. D'accord. Dites, c'est du bateau, ouais. Okay. Okay. Mm-hmm. Les boots. Ouais. D'accord. Bon, bah, Gauthier, on s'est terminé. T'étais à combien d'objets là? Personne n'a compté. 3 avec la canne à pêche. Ouais. Vous avez dit machette et toi couteau, effectivement. Type Laserman. Type Laserman. Bah, tu peux te suicider avec un hameçon, c'est vraiment. Je vais prendre plutôt pour me suicider. Bah ça, on va penser que je triche, mais c'est vrai qu'un couteau c'est quand même indispensable. Non, mais c'est bien. Ah, ouais. Je dirais un couteau, un grand couteau type de cuisine japonaise. Voilà. D'accord, d'accord. En céramique. Non, mais c'est bien, mais non, pas en céramique. Ça, en acier, mais... C'est important de faire des sushis quand on est tout seul sur du désert. Non, mais je veux un peu le. Parce que pour moi, les Laserman, c'est pas assez gros pour péter une noix de coco et il y a des moments, ça sera pas pratique. Alors moi, je dis la guillole au Pinel pour pas qu'on soit poursuivi par le CS. Victorinox. Et je pense qu'une machette pour des petits travaux manuels très précis. Oui, mais tu sais, mes moules, je vais pas bien les laver au couteau avant de les manger. Tu peux toujours. Mais attends, mais tu vas choper des tas de maladies. Si t'es parti pour vivre toute ta vie sur une île déserte, elle sera pas longue avec son pauvre recueil de poésie. Vaut mieux. Il aura même pas de feu. Pour l'instant, vous m'avez demandé, j'ai dit que 2 objets. Ah, mais t'as dit que t'avais pas de feu. Et non, manger des trucs crus, c'est quand même. Mais je peux faire du feu. Je peux faire du feu. Mais sans préciser qu'il a jamais fait les scouts. Non, mais c'est vrai, c'est super dur de faire du feu. Non, mais je sais faire du feu. Encore une fois, c'est pas parce que t'as vu Seul au Monde que tu sais faire du feu. C'est pas parce que t'as vu Batman vs Superman que tu peux voler. Je sais faire du feu. D'accord, ok. Ok. Non, franchement, c'est pas le truc le plus dur, c'est dans un pays chaud de faire du feu. Je sais pas, hein, j'ai l'impression que tout le monde galère à faire du feu à chaque truc que je vois de survie. Et Dieu sait s'il est expert en survie. D'accord. Il a survécu jusqu'à maintenant. D'accord. Ouais, mon dernier objet va vous étonner quand même. C'est vieux titre putaclic. Le numéro 5, c'est incroyable. Et puis, tout bonnement, un sac de plusieurs kilos de riz. Bah moi, mon dernier objet, c'est une casserole. Pas mal. Non, il faut un récipient, il faut un récipient. Mmh. Il faut un récipient. Il faut un récipient. Moi, j'en ai pas mis, j'ai pas mis de récipient. Mais peut-être en pliant bien en origami ton recueil de poésie. Des petites pages pour faire le feu. Et... Maintenant, je peux vous dire mes objets. Non, toi, t'as pas dit ton cinquième objet. Ah, si, mon cinquième, c'est un sac de riz. Un sac de riz. T'as pas le droit de dire genre. Plusieurs kilos. Un bateau, quoi. Non, moi, j'ai donc dit ma machette et mon recueil de poésie. Auquel j'ajoute une paire de chaussures de marche. Parce que quand je suis tombé de l'avion, je suis pas sûr d'avoir une bonne paire de chaussures. Ok. Voilà. Un pantalon hyper résistant, mais vraiment bien, bien résistant, parce que mes vêtements vont pas tenir longtemps. T'as peur que les mouettes soient gênées par ta nudité, quoi. Non, mais j'ai peur juste d'être à poil et que quand je grimpe à un arbre pour aller chercher des noix de coco, ça me gratte un peu les couilles au niveau des pieds. Moi, je m'en fous parce que je ferai un vêtement avec ma bâche. Et ma corde, et mon Leatherman. Mais, et mon sac plastique. Mais moi, le style est un peu important quand même. Et pour finir, mon cinquième objet qui devait vous étonner, c'est le livre « Comment survivre sur une île déserte » que je vais emmener avec moi. Donc t'emmènes deux bouquins. Ouais. Tu pars trop mal dans la vie, mon gars. J'emmène le livre « Comment survivre sur une île déserte » qui va m'expliquer comment faire du feu, qui va m'expliquer comment avoir de l'eau potable. Ça sera la rubrique numéro 1, prendre un fire steel et tout ça. Ah ouais. Ah, non, mais le vrai livre, comment survivre sur une île déserte sans. Non, mais attendez, un petit récap de nos objets. Moi j'ai pris corde, couteau, bâche, fire steel et casserole. Je suis quand même optimal dans ma survie, quoi. Moi tu m'as l'air un peu chiant comme mec, hein. Ah, je suis peut-être chiant, mais. Mais tu vas vite. Non, la corde, ça, tu vas mal l'utiliser, je suis sûr. Bah, le couteau, ok, je te le donne en mille, mais quand attends, tu vas fabriquer un abri, tu vas devoir couper une noix de coco avec ton vieux couteau, tu vas être bien dans la misère. Ton couteau. Mais tu la balances contre un arbre. Ça casse une noix de coco quand tu la balances contre un arbre. C'est plutôt un rocher. Si t'es balèze, okay. Oui, on parle de tes objets, Adrien. Contre un rocher, il y a bien un rocher, t'as bien un rocher, quoi, sur lui. Mais ouais, enfin, sérieusement, ça fait un peu singe, quoi. Et puis comment tu récupères c'est pas du tout raciste, comment tu récupères le jus de coco? Mais je m'en fous, j'ai de l'eau potable sur le... Tu vois, le coco c'est pour la chair. Allez, tu m'ouvres une petite bière? Oui. Mais je suis pas d'accord avec toi. Ok, vous pouvez récupérer vos 5 objets, les gars. Alors, pour ma part, c'était un briquet, un sac plastique, bon je regrette un peu maintenant. Merci. Mais je l'ai dit. Tu veux toujours t'étouffer avec, hein. Ouais, ça peut servir. Transporter des trucs. J'ai pris un couteau, une canne à pêche, type japonais acier, enfin le truc qui coupe très bien mais assez résistant quand même. Faire des sushis après avoir pêché avec sa canne à pêche. Gastronomie. Et le dernier, si je me cours pas, je l'ai oublié. PlayStation 4. Non, je crois que c'était... un sac de riz. Un sac de riz, oui. Mais tu sais que ton sac de riz, il y a un sac, tu vois, le plastique, enfin bref. Bon, bah, du riz. Non, c'est pas ça, c'est que c'est cool de prendre un sac plastique. Mais de toute façon, je l'ai dit que le sac plastique, je regrettais un peu de l'avoir. Allez, que tu vas prendre un bagage, mais... Non. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, il a quand même dit on peut récupérer de l'eau potable et tout, alors qu'on a dit qu'il y avait de l'eau potable sur l'île. C'est le jeu. C'est un sac de riz, non. Un sac de riz, il y a le sac et il y a le riz. C'est bon. Ça fait deux objets. Voilà. C'est pas mal. Bon, et moi je récapitule mes objets. C'était une machette, notamment pour ouvrir les noix de coco, ce que vous ne ferez pas avec vos couteaux tout pour vous. Le livre Comment survivre sur une île déserte en 3 tomes. Non, je sais quand même. Et un pantalon hyper résistant, une paire de chaussures de marche et un recueil de poésie, parce qu'au bout d'un moment, on se fait chier grave sur l'île déserte. Ouais, mais ton recueil de poésie, à un moment donné, tu te feras peut-être moins chier tout de suite par rapport à nous. Ouais, mais vu qu'il sera mort plus vite, de toute façon, il sera moins chier. franchement, les gars, je pense que vous ne pensez pas. Quand vous restez plus d'un an tout seul... Si c'est un bouquin, vous pétez un câble. Si c'est de la poésie, ça vous pouvez la relire. Vous pouvez l'apprendre par cœur. Il y a plein de choses. La poésie, on y redécouvre tout. C'est la nourriture de l'âme. Merci. Et en parlant de nourriture de l'âme, je crois que c'est le moment de la rubrique bouffe. Oh, joli. On a un jingle pour la rubrique bouffe. Oui, on en a fait un la dernière fois. On en refait un. On en refait un, vas-y. Vas-y. Ah ouais. On fait un blanc. On fait genre. Les enfants à table. Mais pourquoi? Parce que c'est la rubrique bouffe. La rubrique bouffe cette semaine, on va élire le pire plat de nos cantines. Ouh. Alors, pour ma part, c'est très simple, c'est la julienne de légumes. C'était quand même le pire cauchemar de tous les enfants. Pas pour moi. Tu vois, genre, c'est le genre de plat, on dit... Objectivement. Attends, j'ai quand même un truc à dire sur la chaîne de légumes. C'est quand même le plat où quand ta prof te dit « il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique », tu te dis « les chanceux !» Non, objectivement, moi je terminais le plat de mes camarades, mais le pire plat qu'ils avaient à manger, c'était la bandade de morue. Personnellement, je mangeais l'entière bandade de morue. Personne n'y touchait. Ah, mais donc tu l'aimais, toi? Oui, mais je suis un enfant différent. Non, je le dis souvent, tu es différent, Eric. Je sais, oui, maman. Homme, ours polaire. Non, moi, le pire plat que j'ai eu, c'est quand même lentille jambon, avec la tranche de jambon super épaisse, avec un gras dégueulasse. Avec la petite, les lentilles qui baignent dans la sauce, mais qui étaient dégueulasses aussi. Pour moi, c'était ça le pire repas. D'accord. Ok. Bon, bah, vu que voilà. Personne. Non, mais moi, j'avais pas dit mon pire repas, du coup. Bah, voilà. J'ai dit que pour les gens. Ah, objectivement, d'accord. Mon pire repas, moi, c'était quand j'étais à Charles Péguy, au Crème à Bicêtre. C'est parce que je cite les gens. C'était. Quand même la cantinière, Madame Dupont, une sacrée connasse. La soupe. Ah ouais, bah après on peut parler des cantinières, mais pour l'instant. Ah bah attends, on va parler de ce que j'ai. Pour l'instant, la soupe de poireaux avec les filaments. Ah, c'est dégueulasse. Celle-là, elle était hardcore. Bah, apparemment, on a un vainqueur. Hein. Merci. Ouais, je dirais, Eric, j'ai pas eu la chance de voir la chance de manger les filaments. Et t'es là, mais est-ce que je bouffe des cheveux ou pas en étant enfant? Et là, à chaque fois, tu la regrettes, quoi. Est-ce qu'on peut parler des cantinières maintenant? Parce que j'ai des comptes à régler avec eux. Ah bah, c'est le moment ou jamais. D'accord. Rubrique. Jingle. On veut pas de jingle sur les cantinières. Mais les cantinières qui te donnent ton dessert quand t'es gamin, tu vas pour le prendre, elles le tiennent comme ça, et elles font, on dit quoi? Et t'es, ben, je l'ai pas dans ma main là, tu le tiens encore, sale connasse, quoi. Et du coup, t'es, ben, merci. Enfin, ah bah oui, hein. Et t'es là, t'es, putain, comment tu penses éduquer un gamin si tu tiens le truc? Mais désolé pour tous les cantinières. J'ai celle aussi qui me fait culpabiliser parce que je pars chercher mon goûter avant tout le monde. Et après, tu bois ton lait dégueulasse là, ton lait fraise horrible. J'ai un mauvais souvenir quand même avec les cantinières aussi. Bah vas-y, t'es pas invité pour rien. Je me suis enchéri de fou, genre, elles m'ont séquestré dans une cave et me battaient avec des poireaux. Bah. Non, y a pas eu de poireaux, mais. Non, c'était au lycée, René Descartes. Ah oui. On sérieux s'amusait à. Bah, c'est un peu notre faute, hein, mais on s'amusait un peu à gruger la queue du self comme on pouvait. T'as fait ça, Gauthier? Ouais, j'avais quelques complices que je nommerai pas. Et t'as fait ça, qu'est-ce que de l'air? Et en fait, à un moment donné, on a tenté une technique qui s'appelle la technique de la faire à l'envers. Donc, c'est-à-dire passer par la sortie pour rejoindre la queue tout près des plateaux. C'est hyper malin. Mais il y avait plein de monde qui le faisait. Ah ouais. Et moi et un ami à moi, on l'a fait. Et il y a une cantinière qui devait peut-être en avoir marre à ce moment-là de voir des élèves passer, a fait « Hey, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites ?» On s'est fait donc arrêter, menottes, tout ça. Enfin, envoyé chez le CPE, expulsé 3 jours du self. C'est fou quand même. C'est la vérité. Non. D'accord. Ouais. Donc voilà. Bon, en fait, vous l'aviez mérité, hein, parce que moi, j'avais pas mérité de me faire engueuler pour mon lait fraise. Faut dire merci avant de prendre l'assiette. D'accord. Donc voilà, on a fait un petit passage sur la cantine. Non, mais mine de rien, dans mon passif de gars qui travaillent dans des centres aériens, et bah j'ai rencontré des cantinières vachement sympas. Même si on n'était pas d'accord sur la pédagogie à adopter vis-à-vis de l'assiette. Non, mais par exemple, elles sont souvent en mode il faut que tu goûtes tout ce que tu as dans ton assiette, nous on était, on laisse l'enfant choisir. Enfin, pour moi, c'est tu te sers dans ton assiette, tu finis ce qu'il y a dans ton assiette. C'est ma pédagogie. Après, sur des questions de pédagogie, tu n'es pas forcément d'accord avec la cantinière. Et je propose qu'elles n'aient pas à avoir d'avis sur la pédagogie, d'ailleurs. Ah. Parce que leur putain de boulot, c'est de faire à manger. Bah justement, c'est hyper frustrant. Tu fais à manger, personne ne veut bouffer. Non. Tu laisses l'enfant. Franchement, pour moi, c'est ça. Enfin, en colo, j'avais des gamins. Ils faisaient les malins. Ils étaient, non, on n'aime pas et tout. J'étais, tu veux pas manger ? Tu manges pas. Par contre, l'après-midi, quand on faisait les activités... S'il faisait pas les activités et qu'il était Eric, j'ai faim, quand est-ce qu'on mange ? J'étais bah, ce midi, quand je t'ai proposé de manger. Donc on va faire un numéro vert hein, si vous voulez porter plainte. Est-ce qu'il a traumatisé votre mode ? Non, mais sérieusement, je les ai pas traumatisés. Je les ai éduqués. Faut, au bout d'un moment, faut. Non, mais c'est. Tu pourras dire ça à ton procès, moi je pense. Non, mais arrêtez, je suis vraiment, on est dans une génération incroyable. Quand tu laisses le choix aux enfants, tu les traumatises pas. Tu leur dis voilà ce que c'est que d'assumer de ses actes. Tu les aides à grandir. Donc Eric, c'est le genre de mec qui débarque chez toi avec un flingue. Il pointe ton père, ta mère, et tu veux que je te le calme. Mais tu vas pas être traumatisé. C'est ton choix, mon gars. C'est pas du tout la même chose. Tu l'assumes. Arrêtez, c'est pas du tout la même chose. La cantinière. Donc le plat officiel. Le plat officiel le plus dégueu, c'est quand même la soupe de poireaux mal mixée. Filandreuse. Ouais, filandreuse. Mmh. Ok, ouais. Pour moi, c'est le traumatisme ultime. Et tous les autres plats, pour moi, étaient à peu près corrects. Hein. Mmh. C'est le champion du monde paralympique des plats dégueux. Ah ouais. Pourquoi paralympique Non, rien. Non. On va la garder. Hein, ouais. Ok. Bon, okay. On passe à une nouvelle rubrique. Ouais. Moi, je propose la rubrique Q. Rubrique Ture. C'est la rubrique Culture. Oh. Ok, pour vous cette semaine, j'ai reviewé. La revue. Attention. Pour vous cette semaine, j'ai reviewé Superman Redson de Monsieur Millar, un très, classique très bon. Parmi les geeks. C'est un BD, un one shot. Donc c'est-à-dire que t'as ta BD, t'as toute l'histoire. D'accord. C'est ni plus ni moins que Superman qui, au lieu d'atterrir aux États-Unis, atterrit en Ukraine, en URSS, ouais. Et devient communiste, ouais. Avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc, Il partage tout. Il devient. il partage son super pouvoir avec la population. Bah non, mais il devient. Pardon. Ah. Il devient une sorte de milicien pour Staline. Il répand l'idéologie communiste et il sauve tout autant de monde. C'est une BD vraiment excellente, on peut le dire. Et, oui, très très. Qui arrive très bonne critique. Ouais. Qui arrive à reprendre énormément de personnages de l'univers de Superman. Alors, je pense que ça s'adresse quand même pas à tout le monde parce qu'il y a. Il faut une certaine connaissance derrière de l'histoire. Ouais, en fait, vu que ça reprend tous les personnages à la va-vite, sans expliquer les origines normales. Tu veux dire qu'il vient de la planète Nana avec son Non, justement, alors justement, là. Je ne veux pas spoiler la fin, mais la fin est vraiment exceptionnelle. Et par exemple, à un moment, il y a Brainiac, un des super méchants de Superman, qui tombe sans explication, on ne sait pas qui c'est, d'où il vient, machin, qui s'intègre au truc. Mmh. Je pense que quelqu'un qui ne connaît pas Brainiac, il est perdu à ce moment du récit. Quoi. Voilà, parce que c'est un peu un méchant qui arrive. C'est un méchant, ouais, voilà. D'accord. Tout le monde, on a l'impression que tout le monde le connaît, voilà. tout le monde sait qui si il est. Si toi, tu sais pas qui c'est. Culture ou une rubrique geek ? J'ai pas compris. Est-ce que les rubriques geeks... Pour moi, c'est une forme de culture. Ouais, c'est pas oui, c'est une forme de culture. Petite mention spéciale à Batman communiste qui... Attends. Y a... Batman. Alors il y avait une certaine incompréhension parce que Batman... Dans la même BD ? Ouais. Donc l'histoire fait que Batman aussi est en URSS. Ouais. C'est ça. Ouais. Et on l'a pas invité pour rien. Non, il l'a lu. Oui, je l'ai lu. Alors, qui est quand même... Qui, quand même, l'apparition est très courte, je pense que c'est vraiment juste pour intégrer un personnage à l'univers. Mais il n'est pas à la hauteur de son équivalent américain, mais il est quand même, il met quand même une bonne branlée un moment à Superman Redson. Mm-hmm. Et non, vraiment, c'est. Voilà. Donc, et là, je veux juste dire que la fin, je ne vais pas la raconter, mais elle est juste magnifique. Est-ce que tu peux redonner le titre C'est Superman Redson. Et comment t'écris Redson? Red comme rouge, son comme fils. Ok, d'accord. Non, n'hésitez pas, du coup, Superman Redson. Bah, moi, c'est vraiment la bière. Vous m'avez convaincu. Hein. Bah, surtout, c'est vraiment un one shot. Tu sais, c'est pas, t'as pas besoin de lire 15 trucs. D'accord. Là, c'est l'histoire a suffi à elle-même. Tout à fait. Le twist final est incroyable, franchement. Et voilà. Je sais pas si ça te parlait tous les petits personnages secondaires, mais vraiment, c'est une excellente. Rien que l'histoire principale, même sans connaître Brainiac, sans connaître. Ouais, ouais. Le fait de réinventer l'origine de Superman, toutes les conséquences. Il arrive en URSS plutôt qu'aux États-Unis, ça change totalement l'histoire. Et du coup, il travaille pas au Daily Planet, il travaille pour la Pravda. Non, mais il y a. Non. Il travaille pas, il a pas d'identité secrète. Il est officiel. Parce qu'il est. Tu vois, il est vraiment l'idéologie communiste. Dans cet univers, Lois Lane a épousé Lex Luthor, qui s'avère être un des protagonistes principaux. Alors c'est Lénine, Lex Luthor. Je cherche un chauve, hein, du coup. Non, c'est après Lénine, c'est pendant Staline. D'accord. Mm. Mais ils ont eu une petite période ensemble, apparemment, on va dire. Mais du coup, et Lex Luthor est vraiment à la hauteur de lui-même dans les autres BD. C'est toujours un super méchant, quoi. Bah, c'est plus compliqué que ça, mais le mec est vraiment brillant. La première scène de présentation, il est en train de jouer aux échecs contre 5 mecs. Il les bat tous, il est en train de lire un bouquin en même temps et d'écouter une. C'est très URSS ça, les échecs. Pourtant, il est américain. Il est américain dans. Ouais. Attends, mais t'as pas dit ça. Ah. Lex Luthor est américain, oui. C'est pas Lex. Oui, mais justement. Lex Zimski, il est top. Mais justement, je pensais que tu ne l'as pas notifié. Je pensais que vu que Superman était en URSS. Batman aussi était en URSS. Wonder Man garde ses origines. Il y a une apparition sur une case de Doomsday qui, pour le coup, est créée par Lex Luthor, sans trop spoiler. Comme dans Batman vs Superman, un film vraiment pas recommandable. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on mettra le nombre de minutes que dure cette chronique pour que les gens qui n'y connaissent rien du tout en comics puissent... Mais tu sais, vu qu'on n'est que 3 à écouter, ça ne devrait pas poser... J'ai vraiment filé la première version, enfin le premier épisode à mon père. D'accord. Donc, bonjour papa Derrick. Bonjour. Bonjour papa. Du coup voilà quoi, Superman il voyage à la vitesse de la lumière. C'est peut-être le bon moment de passer à la rubrique voyage. C'est la pire transition qu'on a. vraiment, c'est la pire transition. Et il a réfléchi. Attends. C'est pas... Non, c'est bien, on va la garder. Ah, non, ok. Moi, les bouquins, ça me fait voyager. C'est la rubrique voyage. Génial. Qui a fait, du coup, la rubrique voyage? Attends, on a un jingle de folie, quoi. Hé, hey, t'as ton passeport? C'est la rubrique voyage. Aujourd'hui, on va parler de la Slovénie. Slovénie. Oh. C'est pas mal, vu qu'on parlait juste avant de l'URSS. Ça aurait été une sacrée transition. C'est vrai. J'ai préféré que tu la fasses toi-même et que tu la rates. C'est vrai. Pour faire rire nos auditeurs. C'est vrai que ça a marché, là, pour 100%. On a bien rigolé. Alors, la Slovénie, un pays que j'ai visité en juillet 2016. Exactement. Un petit pays de l'ancienne Yougoslavie du dictateur Tito, qui est... Le comique ou l'acteur de qui? Pardon. Et donc, qui a eu son indépendance, enfin sa deuxième indépendance, en 1991. C'est un pays entouré de la mer Adriatique, de l'Italie, de l'Autriche, de la Hongrie et de la Croatie. Donc en fait, elle est à sa gauche l'Italie, au-dessus d'elle, elle a... Ouais, tu sais, les gens, ils ont Google Maps à peu près tout le monde. Oui, mais les gens ne vont pas regarder. Okay. J'essaye de la situer à peu près. Son drapeau est bleu, blanc, rouge, mais pas dans cet ordre. Il est blanc, bleu et rouge à l'horizontale. Avec une petite armoirie qui est le Triglave. Le Triglave qui est... Explique-nous. Le Triglave qui est... Est-ce que c'est le... comme la Triforce? C'est pas comme la Triforce. Okay. C'est le sommet le plus haut des Alpes qui sont en Slovénie. Mm. Et du coup, le sommet le plus haut du pays qui est à 2800 mètres. Voilà. Alors la Slovénie c'est un tout petit pays, c'est 2 millions d'habitants, ils sont deux fois moins que les Bretons, je sais pas pourquoi je dis ça, je connais peut-être des Bretons. Il faut savoir que la grange est en Bretagne. Prend son origine en Bretagne. Tu m'expliques, ça explique pourquoi les gens boivent pendant qu'ils préparent leur chronique. Même si en soi c'est un lieu un peu métaphysique quoi, C'est super métaphysique là. Ouais, carrément. C'est un peu la grange, c'est un peu là où vous êtes content de nous écouter, ça peut être votre bain. Ouais, c'est un peu le. Il peut y avoir du foin. C'est un peu dans le cœur de chaque habitant. Ou une batterie, j'en sais rien. Peut-être plein d'objets qu'on va apporter plus tard. C'est vrai. Peut-être. Il y aura pas dans une brique objet aujourd'hui. Peut-être. Je crois qu'on avait un nom un peu plus stylé. Enfin, ok, on verra plus tard. Et alors, j'ai profité de mes vacances pour traverser la Slovénie. En voiture, j'ai fait un petit road trip. Mmh. J'y suis pas resté autant de temps que j'aurais voulu parce que il s'est mis à pleuvoir sur la Slovénie. Du coup, je suis descendu sur la Croatie, mais je vais pas parler de la Croatie aujourd'hui. Je vais parler de ce que j'ai vu en Slovénie. Voilà. Alors en Slovénie, j'ai commencé par visiter la ville de Bled. Donc ça donne lieu à beaucoup de jeux de mots. T'aurais bien aimé qu'on rigole. Parce que je suis parti en vacances à Bled. Voilà. Ah, okay. Et c'est plus le fait que ça soit tombé à l'eau qui me fait. Arrivé à Bled. Là maintenant vous rigolez. Je ne comprends plus rien. Bled 1 ou Bled 2? Allez. C'est le festival de l'humour. Donc arrivé à Bled, t'arrives, il y a un château qui surplombe toute la ville. Mm-hmm. Et qui surplombe aussi un lac qui est chauffé à 26 degrés par des sources d'eau chaude. Ah. Et sur ce lac, tu as une petite île au milieu avec une très très belle église qui est installée. Donc on a fait comme tous les touristes, on a pris un petit kayak. Ouais. On est allé à la rame jusque sur l'île. Arrivé sur l'île, à côté de l'église, ils ont mis un délicieux bar. Donc on a pu déguster une bière en regardant le lac magnifique avec le château. Sur un contrefort, c'était incroyable. C'est un château spot. C'est un château du 12e qui est sur ce spot. Il y a un peu culturel là quand même. Ouais, c'est vrai, mais la ville est vraiment belle. Bon, après, c'est vraiment très touristique, mm-hmm. dans le sens, mais pas touristique par les Français ou les Allemands qui ont l'habitude de venir dans ces pays-là. C'est vraiment le spot. The place to be. C'est vraiment le spot des gens qui vivent dans les Balkans, quoi. Des riches qui vivent dans les Balkans. C'est la station balnéaire des Balkans. D'accord. Après ça, on a grimpé du coup le Triglav, qui est, comme je vous le disais, le mont le plus haut de Slovénie. 2860 mètres. Par rapport à l'Everest, c'est le Mont Blanc. Hein, ça fait moins grand. Ah. Ouais. Non, par rapport. Non, même pas. Par rapport à l'Everest, c'est le premier chalet du. Enfin, le premier quart de l'Everest. C'est le premier campement. Donc c'est vraiment tout petit quoi. C'est pas nous on l'a fait sans équipement. Tous les gens qu'on a croisés avec casque, baudrier et ah ouais carrément. Mais nous on l'a fait vraiment. On est parti en basket short mais t'as et polaire. Aucun risque en tout cas de mal aiguë des montagnes à 2600 mètres. Le chemin était bien pourri quoi. En fait ce qu'on a là où c'était risqué c'est que on a commencé à grimper vers 15h, on a dormi dans le chalet qui était juste avant la dernière montée, mm-hmm. les deux dernières heures de grimpe, et on est parti à 4h du matin dans la nuit, avec juste une lampe. Voir le soleil se lever. Ouais, avec juste une lampe frontale pour monter le chemin, quoi. Okay. Et là, on s'est pris des bonnes rafales de vent, on a grimpé parce qu'on voyait rien, on a grimpé, on a arrivé sur une des aiguilles parce que Triglav, sur une des aiguilles et après tu dois monter une autre aiguille puis après arriver sur la dernière, la plus haute. C'est-à-dire quoi Glav en slovène, je dirais pointe. Ouais. C'est les trois têtes, littéralement les trois têtes. Voilà. Est-ce que question culture, culture scientifique peut-être plus, mais est-ce que vous étiez au-dessus des nuages? On était au niveau, enfin juste au-dessus des nuages. Ok, d'accord. Autre question con, hein. Le slovène c'est une langue à part? C'est une langue à part, okay. Dans le pays, tout le monde parle slovène, mais tout le monde parle... C'est souvent le principe d'un pays, pas toujours. Pas toujours. Mais le pays, 80% de la population est slovène. Et ils parlent tous slovène. C'est très proche des langues qu'on a à côté, en fait, des langues slaves. Et ils parlent surtout tous anglais. C'est ce qui m'a vraiment, vraiment impressionné. C'est qu'ils parlent tous anglais. Après, un pays de 2 millions d'habitants qui est entouré de plein d'autres pays, et qui est intégré dans l'euro depuis 2001, tu peux te dire, bah voilà, et enfin, ils ont qu'une seule... Je trouve que la Slovénie, je pense, c'est un... J'ai vu quelques images, hein, j'ai jamais voyagé là-bas, mais c'est un pays assez méconnu du tourisme en France, ouais. En tout cas, hein, je pense que c'est pas la destination préférée des Français, entre guillemets, mais je pense qu'il y a beaucoup à découvrir. Parce que vu des images que j'ai vues, ça a l'air très joli. C'est magnifique. Alors, le Triglav... Ah, voilà. Attends, j'ai une question vraiment importante. À combien est la bière en Slovénie? En moyenne. Alors, ça, la pinte, oui, c'est parce que c'est un peu notre Big Mac à nous. Ouais. Les économistes utilisent le Big Mac pour avoir un niveau pour connaître. Et ben nous, c'est la pinte, ouais. Et c'est 1,50€ la pinte. Oh. Bar. Voilà. Au bar, bien sûr. Oui, et alors, oui. Non, c'est pas cher. L'IDH est énorme. Hein, sur l'IDH, c'est l'indice de développement humain qui va de 0 à 1. Et bah, il est de 0,845. Enfin, il est vraiment très, très élevé. Donc, c'est un pays qui a les moyens de vous accueillir, qui a tout un mode de vie à l'occidental. On sent quand même qu'il sort du communisme. Oui. Dans le sens où, moi, j'ai discuté avec. J'ai été logé par une vieille dame à un moment. Et j'ai discuté avec elle. Ouais, parce que on devait loger dans un. C'est un excellent moyen de découvrir un pays. C'est vraiment bien, ouais. Mais on devait aller en auberge de jeunesse. Et puis on nous a dit, il y a d'autres gens qui veulent aller en auberge de jeunesse. Ils étaient là, soit vous allez chez l'habitant, soit vous êtes chez l'auberge de jeunesse. On a dit, non, on va aller chez l'habitant. Et du coup, j'ai discuté pas mal avec la vieille dame qui nous hébergeait, qui du coup avait connu la période communiste chez Tito. Avec Tito, je veux dire. Et elle regrettait la période communiste parce que l'idéal qu'on lui promettait était vraiment pas le même que celui de l'UE, et elle fustigeait énormément les technocrates européens. C'était vraiment horrible. Est-ce que cet idéal qu'elle cherchait pendant la période communiste, qu'on lui envoyait, est-ce qu'elle atteindait cet idéal? Non, là franchement elle était blindée de fric, hein. Et ils sont tous blindés de fric grâce au tourisme dans la. J'ai quand même un pur slogan, quoi. Ça serait une culture biture et torture. T'es venu chez Tito. Bon, après ça, après le Triglav et après Bled, on je a crois que peu. Je crois que les communistes, ils étaient pas du tout dans la possession, et ce qui fait une très mauvaise transition pour la rubrique consumérisme outrancier. Putain, j'ai même pas fini ma rubrique voyage. Vas-y. On la refera après. Attends, c'est super long, ça fait au moins genre. What? Ouais, mais on a développé. Eh ben, tu m'as demandé une rubrique voyage, je te fais une rubrique voyage. C'est bien. Oui, mais ça va être percutant. Quoi. Ok, et comme une voiture qui renverse ton. Alors. Autre chose que j'ai visité en Slovénie et qu'il faut absolument visiter, c'est les grottes de Postojna. Postojna. Voilà. Ce sont les grottes les plus grandes d'Europe. Non, mais attends, c'est pas la taille qui compte. C'est le nombre. Ouais, enfin là il faut quand même ils ont mis un petit train électrique qui te trimballe à l'intérieur des 24 km de galerie. Donc vous allez vous retrouver au milieu de plein de Chinois, plein de touristes. Il y a des gros hôtels qui ont été construits à côté, c'est un peu dégueulasse. Mais parmi le billet, vous avez aussi moyen d'aller dans le château qui se trouve à 10 km à côté, qui est le château de Bredjama. Et le château de Bredjama, c'est un château troglodyte. Donc c'est un château creusé dans la roche, mm-hmm. Et creusé sur la paroi, c'est magnifique. Il y a une petite légende, il y avait un certain Erasme, pas le Erasme qu'on connaît, l'humanisme, mais un Erasme chevalier brigand qui s'est retrouvé bloqué là par l'armée italienne dans ce château pendant un an. Et pendant un an, avec le dédale de grotte derrière, il arrivait à aller dans la campagne et à récupérer des vivres. Tu penses qu'il avait pris quoi comme objet? Comme simple objet. Une pelle. Bon, je finis juste cette histoire. Il se retrouvait dans ce château, du coup, bloqué pendant un an. Et il allait chercher ses vivres à l'extérieur. Et pour narguer l'armée italienne qui le bloquait, parce qu'à côté, il y a Trieste, une ville forte italienne. Il leur balançait des demi-carcasses de cerf, il leur balançait des cerises en plein hiver. Enfin, le mec était horrible. Mmh. Du coup, les mecs le prenaient pour un démon. L'armée italienne le prenait pour un démon. Et comment il fait? C'est quand même vachement sympa comme démon, quoi. Ouais, mais ils se foutaient de leur gueule, surtout. Ouais, ils attendent dans l'exercice, t'as fait des trucs un peu plus... voilà. Plus vénère que de balancer dans la cerise. Bon, tout ça pour finir, il est mort en allant aux toilettes, parce qu'ils ont tiré un boulet de canon qui a écrasé le mur parce que les toilettes sont à côté des douves, et voilà. Voilà. Et je pense que ce qu'il aurait emmené comme objet aux toilettes... On peut passer à la rubrique consumérisme. Oh putain, ouais. Je suis désolé d'avoir été aussi long. Mais allez en Slovénie, c'est vraiment un beau pays, c'est magnifique. Il y a des montagnes partout. Par contre, je vous conseille. T'as un pur slogan. Allez en Slovénie. C'est vraiment un pur pays. Consumérisme outrancier. Oh. Alors, pour cette rubrique, j'ai ramené, attention, un cuiseur à œufs. Oh, c'est une casserole, merci Gauthier. Il est super beau. Non, ce n'est pas une casserole, c'est un appareil électrique où on peut faire cuire des œufs, hein, comme l'indique son nom. Pour une fois, on n'est pas trompé sur la marchandise. Mais... Hein, parce que tireuse à bière, on ne savait pas. Voilà, on était... Non, mais genre ordinateur ambigu. On pas trop de trucs avec. Ok. Et donc le cuiseur à œufs marche comme ça, c'est que donc c'est électrique. Il y a la place, bah, pour celui que j'ai en tout cas, je sais pas si c'est plus grand, hein, mais celui-là, il y a la place pour 6 œufs. On peut cuire 6 œufs. Une petite boîte quoi. Une petite boîte. Tout à fait. Bon, que t'as donc avec un. Voilà. merci d'avoir amené ça là. Quand mais... Attends. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu peux faire que des œufs durs avec? Non, justement. Ah. Non, pas du tout. C'est quand même assez recherché. Parce que sinon, c'était quand même... Un peu con. Très outrancier. Vas-y. Mais... Parce que si t'es obligé d'acheter un cuiseur par aliment, ça te coûte quand même ça bon. Fait mal, quoi. Ça fait mal. Ça vas-y. Alors, le principe, c'est que donc on a de la place pour 6 œufs. On les dispose sur une espèce de grille, enfin des supports. Dans le fond, on met une couche d'eau. Et en fait, le fond, c'est une sorte de plaque qui va chauffer l'eau. Et donc, en gros, on met un couvercle et puis voilà, il y a un minuteur. Tu mets beaucoup d'eau, tu mets quoi? Tu mets l'eau, en fait, on a un petit gobelet à côté qui te permet d'avoir, avec les gradations, permet de savoir ce gobelet-là. Le nombre, voilà, tout à fait. Le nombre d'œufs déjà que tu as mis et en plus la cuisson que tu veux. D'accord. Voilà, tu peux faire tous les œufs, tu peux faire œufs à la coque, mollet. Tout à fait. D'accord. Exactement. C'est plutôt pratique parce que dans le sens où quand on cuit des œufs à la casserole, souvent on les fait plus durs que la coque. Et puis voilà, mais c'est un objet en plus. Enfin là, il y a un objet. Tu vois. Non, mais là, c'est vraiment l'objet parfait pour la. Exactement. Ouais. Et donc en gros, voilà, il y a un minuteur et dès qu'il sonne, tes œufs sont prêts. Et franchement, pour l'avoir utilisé de temps en temps, hein, je ne l'ai pas utilisé tout le temps, je ne me fais pas des œufs tout le temps non plus. Il faut bien qu'on mange à la grange. Tout à fait. Et ben, en tout cas, soyez rassurés, dès que vous choisirez une cuisson particulière, la cuisson sera impeccable. Tu es d'accord, mais par exemple, si j'aime les œufs au plat, là, je ne peux pas en faire dans ton truc. Ah, tu peux tenter, mais je crois qu'il va falloir que tu rachètes un appareil derrière. Et je ne garantis pas le goût. Tu as une marque à nous conseiller, Gauthier? Leclerc. C'est Leclerc qui propose. Alors, il doit y avoir une marque particulière, mais ça a été acheté chez Leclerc, donc je n'ai pas la marque. J'ai plus le carton et c'est pas marqué dessus. D'accord. Oh bah merci Gauthier, c'est super. T'es venu vraiment avec un objet vraiment outrancier. Ah, tout à fait. Il fait un peu la haine à tous les gens qui prennent la décroissance. C'est ça, merci Gauthier. Bah ouais, je pense qu'on pourrait conclure par une rubrique en particulier. Ah oui, c'est vrai, de l'inviter à une question. Tout à fait. Il y a... La question de l'invité aux gens qui présentent l'émission. Oui, tout à fait. Genre une question qui m'est venue hier quand je regardais le documentaire Antarctica, qui est un très bon documentaire. Attends, mais il faut que ce soit une question sur laquelle on soit tout à fait. Non, mais oui, tout à fait. Et donc, je voudrais poser une question à Adrien. À Nicolas Hulot. À Adrien. Ouais. Moi, je suis de la merde, quoi. Les pingouins, sont-ils des mammifères? Non, ce sont des oiseaux. D'accord. T'es venu avec que ça non, comme non, question. Non, mais non, deuxième question. C'est les oiseaux. Est-ce que tu serais capable de manger un pingouin? Largement. D'accord, ok. Ah, coup, ils sont trop mignons comme ça, ils glissent sur la glace. Mais t'as écouté notre première rubrique. Oui, c'est une question qui m'est venue quand j'ai appris le régime alimentaire. Est-ce que ça te tente d'ailleurs d'être un mammalivore comme nous? Alors, ça me tente plus dans le sens d'être de ton côté, c'est-à-dire manger moins carné. Ouais. Après, il y a certains mammifères. Effectivement, c'est triste et je ne me verrais pas les tuer moi-même. Mais bordel, ils sont bons, quoi. Ouais, mais tu vois, ça se trouve, les bébés, c'est délicieux et j'en mange pas pour autant, quoi. Ouais, parce que c'est pas autorisé par la loi. Ah, merci, je suis content que tu vois ça du côté écologique de la chose. Ah, tout à fait. Pour la petite info, la définition d'un mammifère, c'est un animal qui peut produire du lait. Il y a juste ça. Pas de rapport avec avec les œufs. D'accord. Notamment, il y a beaucoup de gens qui croient que les mammifères ne pondent pas d'œufs, c'est faux. Il y a deux mammifères qui pondent des œufs. L'ornithorynque. L'ornithorynque et l'échidné. Toujours. Voilà. L'échidné. C'est comme un petit hérisson, mais qui pond des œufs. Merci, Adrien. De rien. Non, mais j'aime bien. C'est rare que. Ah, bah attends, il y a culture, biture, biture et nature. Donc là, aujourd'hui, on a beaucoup fait la biture. D'accord. Mais il y a quand même les trois, là. Il y a les trois. Ça, c'est du golden, là. Comme on dit dans le milieu, c'est de l'or à podcast. Bah écoute, je pense que c'est le moment de clore l'émission. C'est pas une rubrique, c'est un gimmick d'émission. Vous allez voir ce que vous en pensez, mais c'est de donner des devoirs aux auditeurs. Oh, pas mal. Un devoir aux auditeurs. Réfléchir. En l'occurrence, voilà, l'idée qui m'est venue, c'est d'ici la prochaine émission, qui va être dans 2 semaines, 1 mois, je pense. Qu'est-ce que vous feriez? Non. Tu chantes une chanson. À un moment, n'importe quand tu veux, sous la douche, dans ta bagnole. D'accord. Juste ça. Tu prends ce temps pour chanter une chanson pour toi. Est-ce qu'on donne une chanson? Non. Ah, voilà. C'est une mission. C'est une mission. Une mission. Tu es missionné. Depuis cette émission, dès que vous avez fini d'écouter cette émission, à un moment, avant d'écouter la prochaine, il faut que vous ayez chanté une chanson, mais une chanson pour vous. Ouais. Et de A à Z, la chanson? Ouais. Et le refrain pendant 2 minutes. Non, une chanson. Ouais, on va pas chercher une chanson. Et j'aime bien l'idée de donner des petites missions à chaque. J'aime beaucoup aussi. J'ai déjà pensé. Et faut que ça vous fasse plaisir, quoi. Je veux pas que vous chantiez le maréchal de Beauvoir. Faut que ce soit quelque chose qui vous fasse plaisir, quoi. Oui, allez pas chanter l'international si vous êtes un facho. Franchement, faites-vous plaisir. On est pas chez Totti ici. Tito. Non, mais faites-vous plaisir en chantant votre chanson. Totti, le fondateur le plus discount. Non, c'est un rappeur. Il parle vraiment, mec. Donc, on va conclure là-dessus. On n'est pas chez Totti, on est à la grange.